Chapitre 2e. 8 jours après la veille de la fête Dieu, tandis que le conducteur Bernard, ayant copieusement déjeuné au soleil d'or, mettait son cheval à la voiture, une sœur converse, portant la robe de laine blanche des dominicaines, et une jeune fille d'environ 18 ans, vêtue de l'uniforme noir des pensionnaires, tournèrent l'angle de la rue Saint-Amâtre et se dirigèrent vers l'antique véhicule qui faisait en ce temps-là le service de Langres à Aubrive. « Êtes-vous prêt, Bernard ?» demanda la jeune fille avec un joli son de voix. Le conducteur tourna vers elle sa rouge haute figure bourgeonnée. « Montez vite, mademoiselle Février, » répondit-il. « Votre caisse est déjà bâchée et je n'ai que vous de voyageurs. La blonde ne sera pas chargée et nous ne chômerons pas en route, j'en réponds. » « Allons, ma fille, bon voyage !» soupira la sœur en dénouant ses mains qu'elle tenait croisées dans ses larges manches et en effleurant du bout des lèvres la joue de la jeune fille. « Pensez à Dieu et à nous, qui ne vous oublieront pas dans nos prières. Vous avez bien tous vos effets, n'est-ce pas? Votre chapelet et le livre de Madame la Supérieure. Oui, ma sœur, merci et adieu. Rentrez vite, voici qu'il pleut. » Mademoiselle Février était déjà sous la capote. Elle fit un dernier signe amical à la sœur qui s'éloignait. Bernard grimpa sur son siège, secoua les guides. « Hue la blonde » cria-t-il. Et le courrier partit avec un bruit de vieille ferraille. Ce courrier, que les gens d'Aubrive s'obstinaient on ne sait pourquoi appeler le Brisca, était un vulgaire charabanc dont l'un des sièges se trouvait encapuchonné sous une capote poudreuse. Dès que Marianne Février se fut installée sur la banquette, elle suspendit à la capote son chapeau de paille à grand bord, puis tirant de sa poche une petite glace ronde, elle se mit à rajuster sa coiffure. Et le modeste miroir de pensionnaire refléta pendant 5 minutes le plus charmant visage d'ingénu qu'on puisse imaginer. Sur le front blanc semé de quelques taches de rousseur, des cheveux châtains relevés à la chinoise, suivant la règle du couvent, étaient rattachés derrière la nuque en 2 grosses nattes nouées d'un bout de ruban. Les yeux d'un bleu de pervenche humide, allongés et frangés de cils épais, étaient cernés d'un tour bleuâtre qui leur donnait quelque chose de languissant et de plus profond. Un nez fin aux ailes mobiles, des joues conservant encore la rondeur veloutée de l'enfance, et sur l'une d'elles un petit signe brun. Une bouche un peu grande, aux coins retroussés et malicieux, un menton spirituel, complétait l'ensemble de cette figure dont l'expression était à la fois très virginale et très piquante. Quand elle eut réparé le désordre de sa coiffure, Mademoiselle Février examina le volume que lui avait donné la supérieure et qui était intitulé « Fleurs et boutons du rosier de Marie ». Elle en feuilleta d'un doigt distrait les premières pages, fila mou, puis déposant sans façon le mystique Hindous dans son sac de voyage, elle tira du fond de sa poche un petit livre qui n'était autre que Paul et Virginie. Cette fois, elle ne le quitta plus. Ses yeux en dévorèrent les pages et le courrier, la grande route, le plateau de Langres disparurent. Elle se crut transportée sur le chemin des pamplemousses au pied des mornes de l'île de France. Cependant, le Brisca, ayant traversé les ponts-levis de la citadelle, roulait lourdement sur la route de Dijon. Après avoir appliqué 2 ou 3 coups de fouet préventifs à son cheval, Bernard s'était, comme de coutume, endormi sur son siège. La blonde y était faite, du reste. L'intelligente bête non seulement prenait prudemment la droite quand elle rencontrait une voiture de roulier, mais encore, elle connaissait l'endroit où le chemin d'Aubrive s'embranchait à la route et elle savait s'y engager à propos, tout en respectant le sommeil de son maître. Malheureusement, cette fois le temps était orageux, les mouches donnaient des distractions à la blonde, et Bernard, ayant trop fêté le vin blanc de Soyer, avait le sommeil plus lourd que d'habitude. Pour comble de malchance, la fatalité voulut qu'une longue banne à charbon barra l'entrée de l'embranchement de sorte que le cheval, au lieu de tourner à droite, continua de trotter sagement sur la grande route bien large et bien ferrée. Tout à coup, Marianne fut arrachée à son absorbante lecture par un épouvantable juron de Bernard. Elle leva le nez. Le cheval s'était arrêté court sur la place d'un village qu'elle ne reconnut pas, et Bernard, descendu de son siège, se démenait au milieu d'un groupe de paysans qui riaient à se tenir les côtes. « Riez, riez » s'écria-t-il en se grattant la tête. « Je ne ris pas, moi. Je porte les dépêches, et si la poste me flanque une amende, ce n'est pas vous qui la paierez. » « Mais où sommes-nous donc ?» demanda la jeune fille. « Allons-nous, mademoiselle, quand nous devrions être à Aubrive. Ça ne m'était jamais arrivé. Ah, gredin de sort !» Enfin, après force lamentation, il fut décidé qu'on prendrait la traverse par Bessay et Augeur et qu'on regagnerait la route d'Aubrive en coupant la forêt de maigres fontaines. « Surtout gardez-vous des faux chemins !» cria un paysan à Bernard. « Quand vous serez sous bois, appuyez toujours sur votre gauche entre Pirlou et Pralet !»« N'ayez peur !» répondit ce dernier. « Le briquet est solide !»« Hue la blonde !» Et la voiture suivit en cahotant le chemin de la Vingt-Jeanne. Jusqu'à Augeur, tout alla bien. La perspective d'une amende à payer tenait Bernard en éveil. Marianne elle-même, songeant aux inquiétudes de ceux qui l'attendaient, avait abandonné pour les Virginies et regardait vaguement les grises ondulations du terrain pierreux. Mais quand, à la sortie du village, la voiture gagna la forêt, les véritables difficultés commencèrent. La route forestière était coupée d'ornières profondes traîtreusement dissimulées sous les grandes herbes. À chaque instant, la voiture s'y enfonçait avec de brusques secousses qui compromettaient gravement ses antiques ressorts et sa caisse vermoulue. Le cheval butait, Bernard injuriait l'administration forestière, les pierres, les arbres, mais ses jurons étaient prodigués en pure perte. Les loriots seuls, à travers la brume, y répondaient par des cris ironiques et flûtés. À un certain tournant, un chaos plus violent précipita le briska dans une ornière invisible et un formidable craquement arracha un cri de terreur à Marianne. « Sorcière de forêt !» grogna le conducteur en sautant à terre. « Voilà mon essieu cassé. Mais c'est donc le guignon des guignons qui s'en mêle ?» Il resta un moment immobile sous la feuillée, regardant d'un air abruti la pluie tomber sur son briska détraqué. Tout à coup, un joyeux coquericot lancé à plein gosier dans le voisinage lui fit relever la tête. « Gars !» dit-il en apercevant la figure effrayée de Marianne. « Ne vous tracassez pas, mamselle, il y a encore de la ressource. Voilà un gargant qui chante et nous devons être tout près de Virlou. Je vais quérir monsieur de Santenoge, et s'il est dans son châtelot, il ne refusera pas de me donner un coup de main. « Est-ce que vous allez me laisser seul ici ?» s'écria Marianne, inquiète. « Au fait, » reprit le conducteur en aidant la jeune fille à quitter la voiture, « vous pouvez venir avec moi chez le maître de Virlou. »« Non, non, je n'oserai jamais, » répondit-elle en secouant la tête. Elle se souvenait d'avoir entendu les dames d'Aubrive s'entretenir à mi-voix des prouesses du don Juan de Virlou. Elle était partagée entre une sorte de fausse honte et une secrète curiosité de fille d'Ève qui la poussait à voir de près ce singulier garçon, moitié paysan et moitié gentilhomme, dont les dévotes ne parlaient qu'en se signant. Parbleu, Jean de Santenoge ne vous mangera pas. Au surplus, continua Bernard impatienté, restez si le cœur vous en dit. Il s'éloigna d'un pas rapide. Elle se tint un moment encore immobile et indécise, puis la peur de demeurer seule, triomphant de sa timidité, elle suivit son compagnon avec un léger battement de cœur, et descendit derrière lui une étroite sente qui aboutissait à une prairie encaissée entre les bois et une chaussée de maçonnerie. Au sommet de la chaussée, une forge abandonnée dressait sa toiture effondrée et ses murs lézardés, au-dessus desquels un voile de jeunes muses planait avec des cris aigus. « C'est la vieille forge de Virlou, » dit le conducteur, « et voici l'allée du Châtelot. » Ils franchirent une barrière à claire-voie qu'on ne se donnait plus la peine de refermer et pénétrèrent sous une ombreuse avenue tournante qui semblait conduire au château de la Belle au bois dormant. L'herbe y avait poussé si dru qu'on y entrait jusqu'à mi-jambe. Les chèvrefeuilles sauvages, les églantiers et la bourdaine avaient étouffé les rosiers et les lilas qui jadis y avaient été plantés, et l'allée s'était transformée en un fouillis inextricable. Ça et là cependant, quelques roses à 100 feuilles avaient persisté et jeté en avant leurs tiges fleuries et mouillées. Tout en marchant, Marianne cueillit une de ces roses humides et la piqua dans son corsage. « Nous y voici !» fit Bernard en traversant une pelouse de folles herbes, où gloussaient deux ou trois poules demi-sauvages, et en escaladant le perron verdoyant du châtelot. Il essaya de pousser la porte qui était verrouillée en dedans et prit le parti de cogner ferme contre les panneaux en hélant monsieur de Santenoge. Marianne, confuse de ce vacarme, s'était dissimulée de son mieux derrière un bouquet de buis. À la fin, un volet s'entrebâilla et une voix sonore cria « Qui diable fait tout ce tapage ?» Bernard se nomma. « C'est bien !» reprit la voix. « J'arrive !» En effet, les verrous glissèrent brusquement et la porte béante laissa voir Jean de Santenoge en petite tenue, c'est-à-dire la veste déboutonnée, la chemise ouverte et le cou nu. « Bonjour vieux !» s'écria-t-il en riant. « Ah ça ! Le briska descend donc maintenant les bois de maigres fontaines ? M'amèneriez-vous une voyageuse par hasard ?» Ses yeux venaient de tomber sur Mademoiselle Février que cachait mal les touffes de buis. La jeune fille, se voyant découverte, quitta sa retraite, salua timidement Jean de Santenoge, et tous deux se regardèrent un moment d'un air intrigué et curieux. « C'est Mademoiselle Février, la fille de notre contrôleur d'Aubrive, » dit Bernard. « Je la ramène de son couvent. Mais en route, il nous est arrivé toutes les avanies possibles. » Et il conta longuement sa mésaventure. Pendant qu'il parlait, les clairs yeux bruns de Jean de Santenoge ne quittaient pas Mademoiselle Février, et de son côté, la jeune fille, à travers ses cils baissés, lorgnait à la dérobée ce beau garçon à la mine franchement épanouie, tout en dehors, et qui gardait dans ses façons quelque chose du gentilhomme, malgré la négligence de sa toilette campagnarde. « Entrez chez moi, mademoiselle, » s'écria Monsieur de Santenoge de sa bonne voix sonore. « Vous vous y reposerez tandis que j'irai visiter la voiture de ce brave homme. » Il la conduisit dans une pièce du rez-de-chaussée qui servait de cuisine et de salle à manger. Puis, s'excusant encore de la laisser seule, il suivit Bernard jusqu'au sentier où s'était fourvoyé le briska. Un examen attentif des roues et de l'essieu démontra que le secours d'un charron était indispensable et que Bernard devait sans tarder aller quérir celui du pralet. On détela le cheval, le conducteur partit dans la direction du village et Jean de Santenoge regagna son châtelot à travers pré. Tout en foulant l'herbe haute, il souriait dans sa barbe en pensant à la visiteuse qui l'attendait au logis. « Voilà une aubaine, » se disait-il, « ce qu'elle est jolie à croquer, avec ses yeux baissés, sa bouche friponne. Comment ce gratte-papier hargneux peut-il être le père de cette mignonne créature ?» Il sourit de nouveau, en songeant au merveilleux hasard de la vie, et à la singulière grimace. Que ferait M. Février lorsqu'il saurait que sa fille avait reçu l'hospitalité au châtelot de Virloux ?« Ah » murmura-t-il entre ses dents. « Ah, vilain soupe tout seul, tu mets les gendarmes à mes trousses. Que dirais-tu si, pour me venger, je comptais Fleurette, ta jolie échappée de couvent ? Après tout, quand je cueillerai deux ou trois baisers sur ce petit signe noir qu'elle a au coin de la joue, je ne ferai que me payer des impertinences du père. Il s'agit de savoir comment elle prendrait la chose. Bon, ces jeunes bourgeoises dévotes ont le cœur fait comme les paysannes, et elles ne sont peut-être pas plus fâchées que les autres de mordre aux fruits défendus. » Tandis que Jean de Santenoge se livrait à ce galant monologue, Marianne s'était peu à peu familiarisée avec la demi-obscurité de la salle où elle se trouvait. L'air frais de cette pièce était imprégné d'un savoureux parfum de fraises qui chatouilla délicieusement l'odorat de la jeune fille. Elle s'approcha d'une table carrée qui occupait le milieu de la cuisine et aperçut en effet à côté d'une miche de pain de ménage un saladier plein de fraises des bois. Marianne mourait de soif et la tentation était trop forte pour une pensionnaire de 18 ans dont la gourmandise était le péché mignon. Elle fit un pas de plus vers la table en songeant que ses fraises étaient bien appétissantes et qu'elle n'en avait pas mangé depuis l'autre année. « Si j'osais !» se disait-elle. « Non, il n'aurait qu'à s'en apercevoir. Oh, il ne les a pas comptées, je l'entendrai bien venir. » Elle étendit la main vers le saladier, picora une fraise, puis deux. Au moment où elle tenait la troisième entre ses doigts, bien délicatement, Jean de Santenoge, qui était rentré en tapinois, poussa brusquement la porte et surprit la gourmande en flagrant délit. « Ah !» fit-elle toute saisie et devenant plus rouge que les fraises du saladier. « Sent-elle à votre goût ?» s'écria M. de Santenoge avec un rire si franc et si bon enfant que tout à travers sa confusion, la jeune fille se sentit presque rassurée. En entendant ce rire éclatant et joyeux, elle prit elle-même le parti de sourire. « Elles avaient si bonne mine, et je suis si gourmande !» reprit-elle en retroussant le coin de ses lèvres. « Vraiment, je suis honteuse. Il n'y a pas de quoi » répliqua-t-il d'un ton bonhomme. Il ajouta en se rapprochant de la table. « Je suis sûr qu'on ne vous en sert pas comme celle-là, votre couvent. »« On ne nous en sert même pas du tout » fit-elle avec une légère moue et en continuant de tenir les yeux baissés. Puis elle murmura en souriant. « Mais je me rattrape quand je vais chez mon grand-oncle Brocard. Le docteur Brocard d'Aubrive, vous le connaissez sans doute. De nom seulement. Il passe pour un bon vivant et un brave homme. C'est le meilleur homme du monde, » reprit Marianne, s'enhardissant peu à peu. « Il est gourmand, lui aussi, et nous faisons ensemble de grands régals de fraises qu'il accommode avec de la crème. « Attendez !» s'écria joyeusement Santenoge. « J'en ai aussi, moi, de la crème, et toute fraîche, levée de ce matin. » Il courut à la huche et revint avec des cuillères, deux écuelles de faïence et une jatte pleine de crème épaisse, onctueuse. Il déposa le tout sur la table et se mit en devoir d'éplucher les fraises. mais il s'y prenait si maladroitement qu'elle rit à son tour et s'empara du saladier. « Ceci me regarde, dit-elle. Je vais tout éplucher pendant que vous râperez le sucre. » Il ouvrit de grands yeux et sa mine s'allongea. « Du sucre ? » répéta-t-il tout penaud. « Ah, misère de misère, je n'en ai pas. » Il avait l'air si désolé que Marianne en redevint confuse. « Non, non, s'écria-t-elle en maudissant son indiscrétion, nous nous en passerons. » Mais il s'obstinait à fureter avec rage dans sa crédence et à mettre sens dessus-dessous son garde-manger. À la fin, il poussa un cri de triomphe et brandit dans sa main une poudreuse bouteille. « Ah ! » s'exclama-t-il, « voilà qui fera passer le froid des fraises. C'est un vieux vin d'Espagne. » Marianne, habituée à l'abondance de son couvent, regarda son hôte d'un air à la fois tenté et effarouché. « Du vin pur ? » balbutia-t-elle. « Oh non, je n'en bois jamais. »« Bon, il est doux comme du lait. » répartit Jean de Santenoge. Avec une joie d'enfant, il apporta la bouteille et des verres, força Marianne à s'asseoir et versa la crème dans les écuelles. Il y avait tant de rondeur et de bonne humeur dans ses façons que la jeune fille se sentait maintenant tout à fait à son aise. Il s'était attablé en face d'elle et remplissait les verres. Au dehors, le temps s'était éclairci, on entendait les fauvelles gazouiller, et par les losanges des volets, le soleil couchant glissait d'obliques rayons qui coloraient en rose la figure de Marianne et faisaient pétiller ses yeux bleus. Quand elle eut mangé une cuillerée de fraises écrasées et siroté quelques gouttes de ce vieux vin couleur de topaze, elle passa comme une chatte sa langue sur ses lèvres humides. « Elles sont bonnes, » dit-elle avec conviction. Santenoge éclata de rire. Il contemplait avec admiration les grands yeux et les jolies mines friandes de la jeune fille, et le diable de la galanterie recommençait à lui souffler de mauvaises pensées à l'oreille. « Vous me trouvez gourmande ? » reprit-elle naïvement. « C'est mon défaut. Il faut en avoir un ou deux. Moi, j'en suis cousue. »« C'est bien ce que tout le monde dit, » s'écria Marianne, à laquelle le vin d'Espagne avait délié la langue. « Ah, vous avez entendu parler de moi ? » demanda-t-il d'un ton goguenard. « Et par qui donc ?»« Oh, » répondit-elle en rougissant, « la sœur de monsieur le curé et la femme du notaire ont causé de vous une ou deux fois devant moi, mais si bas que je n'ai rien compris, sinon que vous étiez un grand pécheur. Et je parie, » poursuivit-il en riant, « que lorsque vous êtes entré ici, vous avez été tout étonné de ne pas sentir le roussi. Eh bien, avouez que je n'ai pas l'air si méchant diable qu'on le prétend. » « Oui, » répliqua-t-elle en retroussant malicieusement le coin de ses lèvres, « mais on prétend aussi que c'est lorsqu'il prend des airs bon enfant que le diable est le plus dangereux. » Il releva la tête et resta un moment déconcerté. Cette jeune fille, dans laquelle il avait cru trouver une petite pensionnaire prude et un peu niaise, l'embarrassait par sa franchise et son ingénuité. Le don Juan de Virloup se sentait considérablement intimidé. Les moyens de séduction qui lui réussissaient auprès des filles de Pralet n'étaient plus de mise avec cet enfant dont l'innocent hardiesse le troublait. Il ne songeait même plus à les employer. Il était sous le charme et se laissait aller bonnement au plaisir de ce tête-à-tête familier. Marianne s'était remise à déguster ses fraises sans se douter des idées qui trottaient dans la tête de son hôte. « Je voudrais, reprit-elle, vous demander une chose, mais je ne sais si j'oserais. Demandez toujours, pour voir. Eh bien, pourquoi vous appelle-t-on ? » Elle s'arrêta, un peu effrayée de sa question, rougit, baissa les yeux, joua un moment avec le bout de ses doigts, puis ses lèvres ébauchèrent de nouveau un sourire espiègle. « Qu'est-ce que c'était que Don Juan ? » dit-elle en le regardant en dessous. Il se mit à rire et parut aussi embarrassé qu'elle. « Ma foi, » répliqua-t-il, « je n'en sais trop rien. Je suppose que c'était un bon diable comme moi, aimant le plein air, la liberté et le plaisir. Jusque-là, il n'y a pas grand mal, » dit Marianne en retournant à ses fraises. « Je m'imagine aussi, » continua Santenoge, « qu'il ne détestait pas les jolis visages et qu'il s'oubliait parfois à regarder les beaux yeux bleus qu'il avait devant lui. » « Ce n'est pas encore un grand crime, » murmura Marianne en maintenant néanmoins ses yeux baissés. « Vous l'aimez aussi à regarder ceux de Virginie ?»« Oui, mais, » poursuivit Jean de Santenoge, tandis que ses claires prunelles couleur café souriaient, « je crois que Don Juan avait le tour de ne pas se contenter des yeux bleus. » Il regardait aussi les yeux noirs lorsqu'il en rencontrait. « Ah, voilà qui est mauvais !» s'écria Marianne d'un air très sérieux. « Et s'il en est ainsi, je suis de l'avis de la femme du notaire. » Ce Don Juan était très coupable. On ne doit pas changer. Repartit Santenoge. Ce n'est pas si facile. Il y a des gens qui ne changent que parce qu'ils ne peuvent pas voir ce qu'ils désireraient. On peut tout ce qu'on veut, répliqua-t-elle d'un ton décidé. Croyez-vous, c'est une rude besogne de vouloir, et c'est si bon de paresser. La paresse est un péché capital, fit sentencieusement Marianne. « Et tenez, monsieur de Santenoge, vous demandiez ce que disait de vous la femme du notaire et la sœur du curé ?»« Eh bien, elle vous accusait de passer votre vie à ne rien faire. »« À ne rien faire ?» s'écria plaisamment le jeune homme. « Appelez-vous ne rien faire, passer ses nuits à l'affût et employer ses matinées à cueillir ces bonnes fraises que vous savourez si gentiment ?»« Ce n'est pas une profession, cela, » répondit Marianne en hochant la tête. « Vous allez trouver que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais il me semble que si j'étais un homme, je voudrais faire autre chose que tuer des lièvres et cueillir des fraises. » Jean de Santenoge se mordit les lèvres et resta pensif. Ce mélange d'enthousiasme naïf et de ferme bon sens le stupéfiait et l'enchantait. Il était maintenant à 100 lieues de ses idées de vengeance et de galanterie. Comment avait-il pu être assez sot et assez grossier pour concevoir un seul moment la pensée d'abuser de la fraîcheur d'âme et de l'innocence de cet enfant? Comment même avait-il osé lui laisser franchir le seuil de son châtelot malfamé? « Vous ai-je fâché ?» demanda tout à coup Marianne. « Vous ne parlez plus ?»« Non, non, » reprit-il en relevant la tête. « Au contraire, mademoiselle. Quel est votre nom de baptême ?»« Marianne. »« Eh bien, mademoiselle Marianne, voulez-vous me donner une poignée de main ?»« Volontiers, » dit-elle très simplement. Il lui tendit une mignonne main que Jean de Santenoge serra un instant dans la sienne. Il tourna les yeux vers la fenêtre, vit le jour qui baissait, poussa un soupir et se levant. « Voici la brune, » s'écria-t-il. « Et Bernard ne revient pas. Il faut que vous partiez, mademoiselle Marianne. »« Oh, pourquoi? Je n'ai pas fini de manger mes fraises. »« C'est égal, » répliqua-t-il d'un ton plus sérieux et avec un peu plus d'insistance. « Il faut que vous partiez avant que le jour soit tombé. Venez. » Il l'emmena dehors et descendit vers la prairie. Elle le suivait sans parler et sans trop bien comprendre la raison de ce brusque changement. Quand ils furent dans le pré, ils aperçurent un petit garçon qui rentrait avec sa vache. « Voici mon pâtureau, » reprit Santenoge. « Il vous servira de guide jusqu'à Pralay. Vous direz à Bernard que vous n'avez pas voulu l'attendre plus longtemps, et vous trouverez certainement là-bas une voiture qui vous conduira à Aubrive. À la rigueur, vous coucheriez à l'auberge de Justin, qui est un brave homme. Cela vaudrait encore mieux que de rester à Virloux. « Si vous m'en croyez, » ajouta-t-il avec un certain embarras, « vous ne compterez personne, que vous y avez passé une heure. » Il appela le petit pâtre et lui donna ses instructions, puis tendant la main à la jeune fille, « Adieu, mademoiselle Marianne, » murmura-t-il en riant. « Quand vous mangez des fraises, pensez un peu à celle du châtelot. » Elle le regarda à son tour avec ses beaux yeux souriants. « Merci, monsieur de Santenoge, je me souviendrai de tout. » Et elle suivit le pâtureau qui marchait devant elle en tortillant le manche de son fouet. Jean de Santenoge alla s'asseoir près de la vache sur un tronc d'arbre, tandis que la jeune fille et son compagnon s'éloignaient dans la direction de Pralay. L'ombre fraîche du crépuscule veloutait les flancs de la gorge de Virloux, où l'on entendait encore les trois notes mystérieuses de la huppe, cet ami des sentes humides. Lorsque Santenoge n'aperçut plus le chapeau de paille au ruban flottant dans la brume du soir, il bourra mélancoliquement sa pipe et l'alluma. « Cette jolie Marianne est bien mignonne, » soupira-t-il. « Allons, Jean, mon ami, voilà un bon mouvement de vertu. Espérons qu'on nous en tiendra compte au jour du jugement dernier. »